Les particules qui bousculent la théorie d'Einstein. Pour identifier le passage des neutrinos à travers la Terre, il a fallu construire d'étranges observatoires. L'un des plus spectaculaires est celui de Kamiokon, au Japon. On enfouit au fond d'une mine pour le protéger des rayons cosmiques. Il est constitué d'un cylindre de 40 mètres de diamètre, rempli de 50 000 tonnes d'eau purifiée. Des mesures de tout photomultiplicateur sont posées sur le cylindre afin de photographier les neutrinos.